Avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Voici, on entame tout simplement une nouvelle semaine. Nous sommes déjà le mardi, déjà. Et oui, déjà, donc, eh bien, voici donc le mardi. Et oui, le début de la semaine. Voilà donc, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, ainsi que vous allez continuer de passer une excellente après-midi. Donc, eh bien, toutes les chansons sont là du matin au soir et de la nuit jusqu'au matin, voilà, pour vous faire plaisir. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec France Gall et je vais du piano debout. Et puis, juste après, Denmas. Avec tout simplement toute première fois. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Ne dites pas, ce garçon.

voici donc une chanson rap. Et puis juste après, Jean-Jacques Goldman. On pose souvent les mêmes questions en attendant d'autres réponses. On pense toujours avoir raison en regardant une direction. On voudrait arrêter le temps, on le voudrait de toutes nos forces. Mais dis-moi seulement qui prétend regarder derrière l'horizon. Voyez pas derrière l'écran, les petits qui se prenaient pour des grands. Dis-moi ce qui reste quand tu traques tes principes pour de nouveaux codes. Moi j'ai décidé d'avancer, oublier tout ce que j'ai laissé. J'ai tout essayé, ça sonne faux. Seul face au défaut, à mon ego, à mon ego. Seul face au défaut, j'ai tout essayé, ça sonne faux. Seul face au défaut, à mon ego. Seul face à mes défauts, j'entends comme un écho. Ce poids sur les épaules, mais c'est toujours les autres. Je toque, toque, toque, plus personne. arc-en-ciel. Voici donc qui s'appelle tout simplement, eh bien, Julien Clerc avec Femme, je vous aime, et puis en duo avec David et Jonathan, tout simplement. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dur, que chaque blessure me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime, je vous aime, je n'en connais pas de facile. Si drôle, sur un coin d'épaule, oui, si drôle, regard qui frôle. We'll be right back.

des magazines, des maris, les clairs, les maris clairs, des filles, les mags, les pas très clairs, des femmes d'aujourd'hui et d'hier. C'est la faute des mags, des magazines, des maris, les France, les maris France, des femmes fatigues qui en ont pas marre, des cosmophobes et tout le bazar. Soirée avec Nuit de Folie et puis suivi de Gold avec plus près des étoiles. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Tu chantes, ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. quitter leur terre, leur champ de fleurs et leur livre sacré, traverser les rizières jusqu'au grand fleuve salé, sans un mot, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel, les yeux mouillés de pluie, les mains tendues. voilà, donc après, tout simplement, bien Cyndi Lauper, je vous laisse avec tout simplement un des tubes que vous avez bien connu, avec Miko Michonne, et puis juste après, eh bien, tout simplement, La Roche Valmont. T'as le look, Coco. Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! How old are you? carrés smoking. Ça, c'est le samedi. Ensemble, Coco Chanel. Pour les vraies demoiselles. Look, costard bleu et cravate. Hey, t'as les mains moites. Wake me up. sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte. Boa sorte. Voici quelques chansons portugaises et puis juste après, on écoutera Diantel. Boa sorte. Boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. A quem não pede nada e em troca dá amor. Ao que não desespera, pois sabe o seu valor. A quem um grande amor deixou na solidão. Desejo boa sorte de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. A todos que a tristeza não conseguiu vencer, ao que aposta alto sem medo de perder, àquele que ao ódio responde com perdão, que tenha boa sorte de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. A quem eu dei um dia o meu maior amor e a força do destino para sempre separou. Que seja bem feliz ouvindo esta canção. Que tenha boa sorte de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. A todos que hoje sentem coragem para sonhar, ao que partiu agora e ao que quer regressar, a quem semeia o trigo e ao que reparte o pão, desejo boa sorte de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte. E vai dançar comigo. Não

voici donc après Jackie Quarks, voici Michel Sardou avec sa chanson Tout simplement le lac du Connemara. Et puis un autre Michel avec Tout simplement, c'est Michel Delpech. C'est beau. sur ta peau. Donne-moi tout de pas en bon. Adieu Paris, adieu la France, adieu Paris. Quand je serai vieux, je te ferai le plein.

again. It's rolling around the bend, and I am seeing sunshine since I don't know when. I'm stuck in wholesome prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling on down to San Antonio. Get rid of when you get the blues. Hey, get rid of when you get the blues. The jumper rhythm makes you feel so fine. Shake all your troubles, worry your mind. Get rid of when you get the blues. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both in night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. Hey! I lie awake at night to wait till you come in. You stay a little while and then you're gone again. Every question that I ask, I get a lie, lie, lie. For every lie you tell, you're gonna cry, cry, cry. You're gonna cry. Un amour de la femme. Voici Kenji Rack avec Andalouse. Danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Elton John et France Gall. Le titre, tout simplement, donne pour donner. And a silver lining. We're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Je te donne mes espoirs cachés. Je te donne mes incertitudes. Je te donne mes plus grands secrets. La vie, c'est déjà si compliqué. Enfermé. C'est pas la peine. Pas la peine de rester couché. Non, c'est pas la peine.

life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Voici donc deux titres portugais. On se retrouvera juste après Frick François.

Voilà, je vous laisse avec deux titres rap et puis on se retrouve juste après. Ils ont mis tout le monde au respect, comme au temps où Didier Proba jouait. Mascradelle, aider les gens, il faut s'habiller. Et puis si c'est pour donner, ils ont la mer. Chris Brown de Babi, ce sont des gens très responsables. Leur agent là, c'est comme du sable. Yannick Berry, Wally seulement, ils sont beaucoup haut. Quand ils arrivent, on dresse le tapis rouge. Et pas pour te tactile, quittez haut, quittez haut. C'est là nous tous on commence à crier. Allumez la chaleur. Quittez haut, quittez haut. Scotty Sefa, attendez, quittez sur la route. Si c'est du boulevard, mon repère m'a fait nana. Souris, souris, Forman. Et ces garçons qui arrivent au président John Pippi. Je dis quittez haut, quittez haut. Une riche monnaie. Attendez, poussez un peu. Ballot de fois milliardaire. On maîtrise la mélodie qui voyage. fini l'époque où il fallait esquiver les pétages. Pourtant tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache. Pour l'instant, je suis là, je fais du sale. Pour l'instant, j'ai fermé mon corazon. Pour l'instant, mais je finirai jamais tout seul à ma mère en fait bébé. Mais la tête est sur les épaules, je vais pas rester l'éternité. Mais je vais marquer mon époque. Ah ouais, ah ouais. Voici donc qu'elle s'appelle Tina et son titre Dis-moi tout.

C'est aussi ça. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Voilà, donc bien, je vous laisse avec Madonna, avec Into the Groove, et puis juste après, Michael Jackson, et son titre, Billie Jean. For inspiration. Come on, come on. Simplement l'ambiance qu'on va se quitter avec ce morceau. Voilà donc, j'espère que vous avez passé bon après-midi sur ma compagnie. On se retrouve eh bien donc mardi prochain. Et puis aussi vendredi, toujours à 9h à partir de 13h30. Voilà donc, eh bien, je vais te passer une bonne fin d'après-midi. Tout simplement, eh bien, un bon début de soirée. Je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Ensemble, ok. Fais comme nous et entre dans la danse. Faut que ce soit pour toi une évidence. Fais comme nous et entre dans la danse. Faut que ce soit pour toi une évidence.

ainda está a ser trabalhado no Parlamento. O Tribunal entende que seria inútil e até contrário à estabilidade necessária nas decisões judiciais proferir um acórdão que de seguida poderia ser alterado. E alterado porquê? Porque seria provável uma reformulação do cúmulo jurídico, uma vez que alguns dos crimes pelos quais Rui Pinto está acusado são abrangidos pela amnistia, nomeadamente o crime de violação de correspondência e o de acesso indevido, crimes que